إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فعرفنا كيف نحقق التوحيد فألا ننقض أصل التوحيد بشرك أكبر ولا ننقص كمال التوحيد بشرك أصغر ولا ننقص كمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على الصغيرة قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها ولا فرق بين الكتابي واليهودي والنصراني وبين عبادة الأوثان وسائر الكفرة ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليهم ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مسرا عليها دخل الجنة أولا وإن كان صاحب كبيرة مات مسرا عليها فهو تحت المشيئة فإن عفي عنه دخل الجنة أولا وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهذا قول أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فخصص وقيد فيما دون الشرك فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن أن يقع فيه فلا يرجى له معه نجاة إن لم يتب منه قبل الوفاة وقال الخليل إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني نعبد الأصنام وهذا أيضا يخيف العبد فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده وابتلاه بكلمات فأتمهن وقال وإبراهيم الذي وفى وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام لعلمه أنه لا يصرف عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه لا بحوله هو وقوته. وما أحسن ما قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبي. فإذا كان يخافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته فهاجروا وجاهدوا من كفر به وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراء من الشرك، فكيف لا يخاف من لا نسب له إليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك؟ ما هو الرياء؟ الرياء هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها، لأنه الشرك في العبادة. وهو إن كان شركا أصغر فخطوره عظيم، لأنه يحبط العمل الذي قارنه. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، serviteur d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit, et ne mourrez qu'en étant musulmans soumis à Allah Azza wa Jal le Très-Haut. Et soyez tous fiers d'être des musulmans, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Car Allah Azza wa Jal guide qui il veut et égare qui il veut. Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et Allah vous donnera la bonne compréhension de la religion. Soyez sincères vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Renouvelez constamment votre intention dans toutes les œuvres que vous accomplissez, afin qu'elles ne soient faites que pour Allah Azza wa Jal seul. Craignez Allah Azza wa Jal, où que vous soyez, quiconque que vous fréquentiez, et rappelez-vous qu'Allah Azza wa Jal nous observe tous constamment. Il sait parfaitement ce que l'on fait, ce que l'on va faire, ce que l'on pense et ce que cachent nos cœurs. Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulmans soumis à Allah Azza wa Jal. Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah le Très-Haut. Et la meilleure des voix est la voix de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahabas. Et la pire des choses, les pires des choses sont toutes choses nouvellement inventées dans la religion complète d'Allah le Très-Haut afin de se rapprocher d'Allah par cet acte inventé. Et toutes ces choses nouvellement inventées dans la religion d'Allah le Très-Haut s'appellent des innovations religieuses. Et toute innovation religieuse est un égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. Et on se rappelle, depuis le sermon, la khutba de la semaine passée, on comprend désormais comment on peut faire et réaliser le pur monothéisme à Allah le Très-Haut, qui est le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Tout d'abord, que l'on n'annule pas le pur monothéisme en pratiquant de l'associationnisme majeur ou du polythéisme majeur. Tout comme invoquer autre qu'Allah, ou bien invoquer un mort, ou craindre un mort comme on craint Allah, on n'annule pas la base du pur monothéisme en pratiquant de l'associationnisme majeur. On ne diminue pas la perfection du tawhid, la perfection du pur monothéisme, en pratiquant de l'associationnisme mineur. Et le troisième point qu'on avait vu, c'est que on ne diminue pas la perfection du pur monothéisme en pratiquant des innovations religieuses ou bien des péchés majeurs ou bien faire continuellement des petits péchés. Et on se rappelle que celui qui parfait le tawhid, qui a ces trois points-là, qu'il est parfait, rentre au paradis sans jugement ni châtiment. Donc, tout individu qui veut innover dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal, ce qui n'en fait pas partie, celui-ci n'aura pas parfait le pur monothéisme. Celui qui commet des péchés majeurs, qui tombe dans un péché majeur, qui le commet, ne parfait pas le pur monothéisme, ne parfait pas le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui fait continuellement des petits péchés, et celui qui tombe dans l'associationnisme mineur, tel que juré par autre qu'Allah, ou bien faire une chose pour autre qu'Allah, prier, yani, de la façon la meilleure possible, afin d'espérer que des frères nous remercient pour une œuvre pieuse que l'on fait, d'accord ? Ça fait partie de l'associationnisme mineur. Donc quiconque pratique de l'associationnisme mineur, qu'il pratique l'ostentation, ou bien qu'il pratique, yani qu'il jure par autre qu'Allah, ou bien qu'il dit si ce n'est Allah et si ce n'est toi, ou bien qu'il dit si Allah veut et ce que tu veux, tout ça fait partie de l'associationnisme mineur. Eh bien, il ne parfait pas le pur monothéisme. Et celui qui craint un mort comme on craint Allah, ou comme j'ai entendu récemment, des personnes qui veulent accrocher des arêtes de poisson chez eux, là, en croyant que le poisson mort, il va les protéger. L'arête de poisson, la queue de poisson, ils le mettent, ou il met le fer à cheval chez lui, et croit que ça va le protéger d'un mal, ou bien ce qu'ils vendent en Turquie, et que les gens qui vont en Turquie, ils reviennent avec les porte-clés bleus, là, avec espèce d'œil, là. Et il y en a, ils mettent ça dans leur voiture, soi-disant, la main, soi-disant, de Fatma, ils disent. Ça ne fait pas partie de la religion de l'islam. Ça fait partie du suivi de la voie des kuffars et des mouchriquines. Mais ça ne fait pas partie du suivi de la voie des pieux prédécesseurs. Croire que cet objet-là, il va te protéger, subhanallah. Et il y en a même qu'ils en arrivent à avoir des Corans d'une taille comme ça, très petit. On ne peut même pas le lire. Et ils disent, mets-le en collier, ou bien, mets Ayat al-Kursi en collier, ou bien, il y en a, ils mettent des bagues, c'est écrit dessus, Allah, et ils vont aux toilettes avec. Hachek. Et il y en a même, ils font du sihr, comme, qu'Allah nous facilite, on va en parler. Ils font du sihr et ils le mettent dans ce petit Qur'an qui est enfermé. Ils font de la sorcellerie et ils mettent dedans des cheveux, ils mettent des trucs, ils mélangent. Et c'est arrivé des cas comme ça qui me sont parvenus que des gens ont eu du. Ils ont découvert qu'en ouvrant cette petite boîte-là qui disait que c'était un Coran, c'était du sihr qui était à l'intérieur. A'oudou billah. Donc croire que si tu vas porter Ayatul Kursi ou la main de Fatma ou bien ça, et puis tu crois que ça va te protéger. Si tu crois que la protection ne provient que de cela, ça c'est de l'associationnisme majeur. Tu n'es plus musulman si tu crois ça. Mais si tu crois que ça peut être une cause de ta protection, c'est de l'associationnisme mineur. Ça reste du shirk. Et donc tu ne parfais pas le tawhid. Yani, on doit bien comprendre que si l'on croit au fond de nous que quelque chose en dehors d'Allah Azza wa Jal peut avoir un quelconque impact dans notre vie, eh bien ça c'est associé à Allah Azza wa Jal. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà informé que si tous les djinns et les humains se réunissent pour te faire un mal dont Allah Azza wa Jal ne t'a pas décrété qu'il t'arrivera, eh bien ils peuvent tous se réunir, toute la planète en entier, ils ne te feront aucun mal, puisqu'Allah Azza wa Jal ne te l'a pas décrété ce mal-là. Et que si tous les djinns et les humains se réunissaient pour empêcher un bien qu'Allah Azza wa Jal t'a décrété, ils ne peuvent pas l'empêcher. Allah Azza wa Jal, il fait ce qu'il veut. Il faut avoir cette ferme croyance que tout ne provient que d'Allah Azza wa Jal. Il ne t'arrivera que ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Donc, il faut placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, qui est le vivant et qui ne meurt jamais, et non pas placer sa confiance en des créatures qui ne respectent pas les pactes et qui ne respectent pas leurs promesses et qui peuvent te mentir et qui peuvent tricher sur toi ou qui peuvent même essayer de tenter de faire de la sorcellerie pour toi pour essayer de te causer le moindre mal. Donc on ne s'en remet qu'à Allah Azza wa Jal seul. Donc quiconque tombe dans l'un de ces trois points-là, que ce soit il annule la base du pur monothéisme en pratiquant de l'associationnisme majeur, cet individu n'est plus musulman. Même s'il prie 5 fois par jour, même s'il fait le hajj, tout ce qu'il veut, et qu'il jeûne le mois de ramadan, c'est pas un musulman. Et s'il meurt sur cela, il rentre en enfer pour l'éternité. S'il meurt sur cela sans s'en être repenti. Et s'il tombe dans de l'associationnisme mineur, qui fait partie des péchés majeurs, il ne réalise pas le pur monothéisme. Et s'il fait des innovations religieuses, des bid'ah, ou s'il fait continuellement des petits péchés, des péchés mineurs, ou il tombe dans les grands péchés, il ne réalise pas le pur monothéisme d'Allah Azza wa Jal. Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset, certes, Allah ne pardonne pas. Lorsqu'on lit le Coran, on doit méditer, et non pas lire juste comme ça. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais pardonne en dehors de cela à qui il veut. L'imam Nawawi rahimahullah a dit, l'entrée de l'associateur dans le feu de l'enfer est générale. Il y rentre et y demeurera pour l'éternité. Cette entrée est donc générale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence lorsqu'on dit le mushrik qui rentre en enfer et le kafir qui rentre en enfer. Lorsqu'on dit l'associateur, le polythéiste qui rentre en enfer, il n'y a pas de différence avec le juif ou le chrétien ou les adorateurs des idoles et tous les kofars et tous les mécréants. Il n'y a pas de différence chez les gens de la vérité entre le mécréant qui mécroit par obstination et celui qui s'affilie à cette communauté mais dont le jugement de la mécréance a été établi sur lui dû au fait qu'il ait renié une chose dont la mécréance s'établit pour le reniement de cette chose. Il n'y a aucun doute de l'entrée au paradis pour celui qui n'associe rien à Allah. Tant qu'il ne faisait pas partie des gens qui meurent en ayant commis un péché majeur de façon continuelle durant son vivant. Mais s'il faisait partie des gens qui commettaient un péché majeur de façon continuelle, sans s'en être repenti. Ça veut dire qu'il commettait des péchés majeurs, mais il n'a pas fait de taouba, il ne s'est pas repenti. Et il est mort dans cet état-là. Eh bien, celui-ci est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui pardonner, il lui pardonne de par sa miséricorde. Alors, il entre d'abord au paradis. Sinon, s'il se fait châtier de par la justice, si Allah Azzawajal a décidé de le châtier de par sa justice, alors il sera châtié en enfer, puis en ressort, et demeurera ensuite au paradis éternellement. Fin de sa parole. Et ceci est la croyance des gens de la sunna et du consensus, sur laquelle il n'y a aucune divergence entre eux sur cela. Et ce verset, dans la traduction du sens, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, doit faire énormément craindre l'associationnisme. Car Allah a totalement interdit le pardon pour celui qui commet l'associationnisme à Allah. Ça veut dire qu'il associe quelque chose à Allah. Il invoque autre chose en dehors d'Allah. Yani, il donne des associés. Il aime une chose comme on aime Allah. Il craint une chose comme on craint Allah. Et Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire l'éternité de l'enfer pour celui qui meurt en ayant pratiqué de l'associationnisme sans s'en être repenti. Déjà, lorsqu'on lit le verset, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Déjà, on doit craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Craindre de tomber dans du shirk. Allah, il ne pardonne pas. Il meurt sur cela, Allah ne lui pardonne pas. Et celui qui meurt sur cela sans repentance, Allah ne lui pardonne pas. Et ça veut dire qu'il reste en enfer pour l'éternité. Il sera mis en enfer pour l'éternité. Puis dans la suite du verset, mais pardonne en dehors de cela à qui il veut, en dehors du shirk, en dehors de l'associationnisme à Allah, Allah pardonne, mais à celui qui n'est pas tombé dans de la mécréance majeure. Donc ce péché majeur qui est l'associationnisme, nul ne pourra être sauvé du feu de l'enfer s'il meurt sur cela sans s'en être repenti. Allah Azza wa Jal a dit concernant Ibrahim alayhi salam ce que Ibrahim alayhi salam a dit. Il invoquait Allah Azza wa Jal en disant « Et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des statues. » Ibrahim alayhi salam a invoqué Allah Azza wa Jal « Et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des statues. » Et ce verset doit également nous faire peur. Étant donné que si déjà El-Khalil, l'ami intime, l'ami rapproché d'Allah, qui est Ibrahim alayhi salam, qui est l'imam des purs monothéistes, l'imam de ceux qui se désavouent totalement du shirk, de ceux qui se désavouent totalement de l'associationnisme et de ses adeptes, si déjà Ibrahim alayhi salam, qui a brisé les statues et dont son désaveu était total vis-à-vis des associateurs et polythéistes, et malgré tout cela, malgré qu'il est l'ami rapproché d'Allah Azza wa Jal, il craignait de tomber dans l'associationnisme à Allah, puisqu'il invoquait Allah en disant « Et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des statues. » Et comme est forte la parole d'Ibrahim At-Timi rahimahullah ta'ala, qui est décédé emprisonné par Al-Hajjaj, qui donc après Ibrahim peut-il se sentir sécurisé contre les troubles? Ibrahim, qui est l'imam des purs monothéistes, qui a brisé les statues, qui a fait son désaveu total. Inni bara'un mimma ta'budun, je me désavoue totalement de ce que vous adorez. Subhanallah. Ibrahim alayhi salam, l'ami rapproché d'Allah, qui lui craignait de tomber dans du shirk, malgré qu'il avait la connaissance de ce que c'était, il craignait de tomber dans du shirk. Qui donc après Ibrahim peut-il se sentir préservé de tomber dans le shirk? Dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah, dans son musnad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce que je crains le plus pour vous, c'est l'associationnisme mineur. Lorsqu'on le questionna à ce sujet, il répondit, il s'agit de l'ostentation. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam la craint pour ses compagnons, qui sont ceux qui unifiaient Allah dans l'adoration, qui lui obéissaient et suivaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont accepté et cru à tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les invitait, incluant la sincérité et le désaveu de l'associationnisme et du polythéisme. Alors, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait cela pour ses compagnons, alors qu'en est-il de ceux qui ne sont pas des compagnons et qui sont très loin d'eux en termes de science et d'œuvres pieuses? Le cheikh Hamad ibn al-Atiq, rahimahullah ta'ala, a dit: si l'associationnisme mineur, le shirk mineur, était craint pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré leur foi complète, alors l'associationnisme majeur doit être craint pour nous avec notre faible foi. Et l'ostentation, ria, consiste à montrer des actes d'adoration dans le but d'être félicité par les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre l'ostentation, car c'est du shirk, c'est de l'associationnisme à Allah. C'est de l'associationnisme dans l'adoration. Et même si les mineurs, comparés aux majeurs, son danger est énorme. Pourquoi? Parce que celui qui fait du riyah, qui pratique du riyah, qui a de l'ostentation, il fait une œuvre pieuse par ostentation. Eh bien, l'œuvre qu'il fait par ostentation, elle est invalide, nulle, annulée. Elle n'est pas acceptée par Allah Azza wa Jalla. Il fait des œuvres pieuses, énormément d'œuvres pieuses. Combien parmi toutes nos œuvres pieuses que l'on fait sont-elles sincères pour Allah Azza wa Jalla seul? On comprend que lorsque l'on tombe dans cela, ce n'est pas accepté par Allah Azza wa Jalla. L'œuvre que tu fais, tu aides des frères, des sœurs qui sont dans le besoin, tu les aides, et tu fais ça en espérant que les gens te voient. Je donne. Subhanallah. Tu veux aider la mosquée, mets dans une enveloppe, mets dans la boîte aux lettres, aide la mosquée. Subhanallah. Pas besoin de... Et à qui je donne? Subhanallah. Cache tes œuvres pieuses que tu fais jusqu'à ce que les mashayikhs, dans les explications du shirk asghar, mentionnaient qu'il y avait un homme où est-ce que pendant tout le long de sa vie, sa femme ne savait même pas qu'il jeûnait. Sa femme ne savait pas que son mari jeûnait. Subhanallah. On est loin. Parce que dès qu'on jeûne, il faut le bourraka, il faut la brique, et il faut je ne sais pas quoi, il faut la shurba, il faut... Subhanallah. Ah, tu me prépares ça parce que je jeûne aujourd'hui. Hada, sa femme n'était pas au courant qu'il jeûnait. Il partait le matin, discrètement, il se préparait sa nourriture pour couper le jeûne, discrètement. Et il allait dans sa boutique, dans son hanout, et il ne revenait qu'après le maghrib. Personne ne savait qu'il jeûnait. Tu fais des œuvres pieuses, fais en sorte que lorsque tu fais ces œuvres pieuses-là, tu les caches aux yeux des gens. Tu essaies de les cacher. Pas besoin que les gens savent que tu es en train d'aider un tel, voilà, que tu es en train de faire une œuvre pieuse. Cache-la. Et ne le rappelle pas. Subhanallah, tu le fais pour Allah, Azza wa Jalla, ou pour les gens. Donc, on se doit de craindre Allah Azza wa Jalla comme il se doit. L'ostentation, il invalide l'œuvre que tu fais. Et cela fait partie des péchés majeurs. Et donc, comme cela est de l'associationnisme mineur, celui qui le pratique ne parfait pas le pur monothéisme d'Allah Azza wa Jal. Et c'est aussi un péché majeur, donc il ne parfait pas le pur monothéisme à Allah Azza wa Jal. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous augmenter notre savoir et de nous montrer la vérité comme étant la vérité et qu'on l'accepte. Et de nous montrer le faux comme étant le faux et qu'on s'en écarte et qu'on s'en désavoue. Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa barik lana fi ma a'tayt tabarakta rabbana wa ta'alayt. Allahumma arina al-haqq haqq wa arzuqna ittiba'ahu wa arina al-batil batil wa arzuqna ijtinabahu. اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.